temps de commencer l'histoire. Pénétrez maintenant dans le rouge et le noir. Aussi rouge que le sang, aussi honte de la guerre. Aussi noir que le deuil et ses sombres prières. Préparez vos soupirs, affûtez bien vos larmes. Car la vie fait souffrir chaque humain en son âme. Comme un héros, comme un héros. C'est le moment de plonger vers le fond. Des couleurs de l'amour aux douleurs des passions. Et la peur chaque jour qui nous pousse à l'action. Comme un héros, comme un héros. Mais qui comprendra qu'un cœur bat sans combat. Tout ce bonheur quand on s'aime. Voilà le cœur du problème. On court après tant d'autres choses. Tout ce bonheur quand on s'aime. Pas celui qu'il nous impose. Un jour il faudra bien qu'on ose. Écoutez son cœur. Écoutez son cœur. Voici le temps de sombrer dans la gloire. Quand la France hésitait à tracer son histoire. Fallait-il que l'on tombe pour de bonnes raisons. Soutenir l'empereur ou les révolutions. Choisissez votre camp, portez donc votre croix. Quel malheur idéal guidera votre foi. Comme un héros, comme un héros. Trouverez les sentiments plus forts. Dès qu'il faut côtoyer et l'amour et la mort. Au front de ces deux guerres, devoir lutter encore. Comme un héros, comme un héros. Mais qui comprendra qu'un cœur bat sans combat. Tout ce bonheur quand on s'aime. Voilà le cœur du problème. Après tant d'autres choses. Tout ce bonheur quand on s'aime. Pas celui qui nous impose. Un jour il faudra bien qu'on ose. Écouter son cœur. Écouter son cœur. Trouverez les sentiments plus forts. Dès qu'il faut côtoyer et l'amour et la mort. Au front de ces deux guerres, devoir lutter encore. Comme un héros.